بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. طيب dernièrement un frère m'a envoyé une image contenant une parole du dénommé Othman Abu Layth qui est je crois le responsable de l'Institut Sunnah dans lequel dans un de ses audios où il dit: quand on parle avec un kafir pour l'appeler à l'islam, on va pas dire « Oh toi mécréant ». Il faut de la sagesse. Il faut lui dire « Oh toi serviteur d'Allah, t'es un serviteur mais qui a pas accepté encore ». Mais quand on parle d'eux, on utilise l'istilah shar'i. Donc maintenant, j'ai demandé par la suite d'écouter l'audio, le shahid de l'audio, pour être sûr de ce qu'il disait ou qu'il n'y ait pas une déformation ou quoi. À la base, il fait le roi dans un tafsir de Surat al-Kafirun, dans laquelle il explique des choses correctes. Mashkour ala zalika. Lorsqu'il parle, par exemple, le fait de ne pas employer l'expression non-musulman, tout ce qui s'ensuit, son explication elle était correcte, elle était bien. Là où ça n'a pas accroché, c'est à partir du moment où il a commencé à faire un tafsil, que, entre nous, on peut dire, kuffar, mécréant, mais par contre, quand on s'exprime avec le kafir, qu'on lui fait da'wah, il ne faut pas dire. Tout d'abord, c'est contradictoire face au cours qu'il dispense, étant donné qu'il parle de surat al-kafirun. Et le premier verset de ce surat est wadih. Comme encore le ta'ala, « Qul ya ayyuhal kafirun » dit « Ô vous, les mécréants ». L'imam al-Sa'adi, rahmallahu ta'ala, en tafsir ce verset, il dit quoi? Ay qul lil kafirin mu'linan wa musarrihan. C'est-à-dire, dit aux mécréants en annonçant clairement et en parlant clairement, explicitement. C'est-à-dire, tu leur parles et tu leur dis qui ils sont par rapport à cela. Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, par ce verset, lui-même, il dit fatanawalat كل كافر سواء كان ممن يظهر الشرك أو كان في تعطيل لما يستحقه الله واستكبار عن عبادته والتعطيل شر من الشرك وكل معطل فلا بد أن يكون مشركا. Il dit que ce verset-là concerne tous mes créants, qu'ils soient de ceux qui laissent apparaître le shirk ou de ceux qui l'ont annulé en ne rendant pas à Allah son droit. Il fait allusion par exemple à là aux murtaddin, aux apostats. Car le fait il considère comme le fait de ne pas rendre le droit à Allah Azzawajal et de le supprimer est pire que l'association, en faisant allusion à ceux qui adorent Allah et autres que lui avec lui. Donc bien évidemment, le verset s'oppose à la parole de كذلك يقول الله سبحانه وتعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Allah dit bien et dit la vérité de votre Seigneur. Que celui qui veut m'écroire ou qui veut croire qu'il croit, et celui qui veut m'écroire qu'il m'écroit. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas là pour faire preuve de bonne politesse. Tu dis les choses telles qu'elles sont, véridiques, et tu le dis clairement. Dans certains cas, pour faire preuve d'âme de ce qu'on appelle tawriya ou de mudara, dans des cas particuliers, mais là-bas, c'est que tu dis les choses clairement. Tant que cela n'amène pas à un plus grand mal. Bien évidemment. Donc ce verset-là, bien évidemment, et d'autres versets, s'opposent à cet itlaq, car l'erreur de ce Abu Layth, c'est l'itlaq qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il a dit une parole, il a émis un jugement de sa parole, sans détailler, c'est-à-dire qu'à des moments, مثلاً, cette chose-là est convenable, et à un moment, elle ne l'est pas. Il a fait une parole, c'est-à-dire qu'il a fait un jugement absolu, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire au kafir cela, qu'il faut faire preuve de sagesse. Déjà, la sagesse, qu'en est-elle? La allahu, yani, yatamid bizalika, fi qawli la azza wa jal, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, wal mu'izati al hasana, wajadilhum billati ahsan. Donc, dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, appelle au sentier de ton Seigneur, avec sagesse, et bonne exhortation. Et ne débat avec eux que de la meilleure manière. Donc là, par rapport à ce verset-là, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il dit, يقول الله تعالى آمرا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو الخلق إلى الله. Donc Allah dans ce verset ordonne à son messager Muhammad صلى الله عليه وسلم d'appeler les hommes, c'est-à-dire les khalq, là il veut dire les mukallafin, de les appeler vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils se soumettent. قال ابن جرير وهو ما أنزله يعني في قولي بالحكمة ما معنى الحكمة قال ابن جرير هو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة. Donc que veut dire le mot sagesse à ce moment-là? Parce que beaucoup de gens s'égarent dans ce verbe-là qui est la sagesse, faut faire preuve de sagesse. Ça veut dire quoi la sagesse? Car chacun veut avoir sa définition et sa vision de la sagesse. Donc là, en premier lieu, dans ce verset-là, la sagesse, comme l'expliquait Ibn Jalil, c'est ce que Allah a fait descendre son messager comme livre et comme la sunna. Donc la sagesse n'est pas ce que nous, on s'imagine dans nos têtes forcément, à tout moment, mais dans ce verset-là, les appeler avec le livre et la sunna. Livre et la sunna. ثم قال والموعظة الحسنة et la bonne exhortation. Qu'est-ce que cela veut dire également? بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس ذكرهم بها ليحذروا بأس الله أو ليحذروا بأس الله تعالى. C'est-à-dire d'employer les paroles dans lesquelles il y a de la réprimande et un avertissement de ce qui touche les gens et un rappel pour les mettre en garde du châtiment d'Allah عز وجل. C'est-à-dire que les gens, on les avertit. Comme Allah Ta'ala fi kitab al-karim, là ça reste la parole de Ibn Kathir par rapport à ces versets. Comme fi kulli 'azza wa jall, comme fi kulli 'azza wa jall, ya ayyuhal mudaththir, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir ila akhir al-aya. Parmi les premiers versets descendus du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il reçoive le message. Et c'est le premier verset de al-mudaththir. Il dit quoi? Ya ayyuhal mudaththir, toi l'enveloppé d'un manteau. Kum fa'anzir, lève-toi et avertis. Hada wa shahid. Tu annonces et tu fais peur. Tu annonces et tu fais peur. Donc la personne, quand tu lui parles, il faut qu'elle sente le kafir, il sente qu'il a un danger, qu'il en court. Que s'il meurt, il finira au feu éternellement. Donc les termes appropriés ne sont pas la politesse et la gentillesse et la courtoisie. Tout comme ce n'est pas non plus la vulgarité, la brutalité et la violence. Quand tu l'appelles, toi, de toi à lui, dans un discours. La hada wa la hada. Tu viens que le juste milieu, et cela également se base en fonction de l'individu que tu as. Et c'est ça la question qu'on pose justement à Othman. Kazalik, donne-nous la preuve. Le verset de Surat al-Kafirun il est wadih. Donc, c'est quoi la preuve? On veut un dalil qati' qui nous dise, lorsque les musulmans y parlent entre eux, des kuffar et des kuffar, mushrikun, ghayr dhalika. Et lorsqu'il parle à un kafir, ils ne lui disent pas que c'est un kafir, mais ils lui disent comme lui, il le dit, cette expression qui est « Toi, serviteur d'Allah, tu n'as pas encore cru, d'accord, et kaza et kaza. » Allah Azza wa Jalla arsala Moussa wa Haroun. Allah, il a envoyé Moussa wa Haroun à Firaun. « Fakula lahu kulan layyinan la'ala yuzakaru aw yakhsha. » Dites-lui une parole douce, dans le sens, il se peut qu'il crédit qu'il se rappelle. Est-ce que Moussa et Haroun ont dit à Pharaon, tu es un serviteur d'Allah, mais tu n'as pas encore cru, et kaza, et kaza, et kaza. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam envoyait des messages, comme Hiraqle, ce qu'on appelle César, et autres chefs d'État à l'époque, il disait quoi? As-salam ala man ittaba'a al-huda. Aslim tuslim. Wa fil ma'na lakal ajr marratan. Il le disait quoi? Que la paix soit celui qui suit la guidée. Il dit, soumets-toi, tu réussiras. Et que tu auras la double récompense, et que tu garderas ton royaume. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle les koufars, on n'a pas de dalil qui dit qu'il dit anta abdun lillah wa innama lam tuslim ba'du, comme le dit Othman. On n'a pas de texte qui dit cela. Donc comment peux-tu affirmer et faire un itlok de dire il faut dire cela? Si encore tu avais dit par exemple trouver des formules dans le sens au kaza, mais toi t'as fait un itlok. Et un jahil, un petit nouveau, il écoute, il va prendre ta parole à la tlaq, justement. Il va prendre le soleil, il va marcher là-dessus. Donc c'est pour cela. Yimma tatakallam bi ilm, bil ibarat daqiqa, les choses précises, kalam mawzun, tu vois des réflexions, surtout que là, tu parles dans le maqam al-da'wa. Et surtout vous qui êtes en France, qui êtes au milieu des koufars, d'accord? Faut pas faire les choses n'importe comment. Min al-adil, là, parmi les preuves qui s'opposent à ce que Abu Layth prétend, Qissat Umm Sulaym ma'a Abi Talha. Umm Sulaym qui est la mère de Anas radhiyallahu anhu, lorsque Abu Talha a voulu se marier avec elle alors qu'il n'était pas encore musulman à cette époque. Qalat Umm Sulaym li Abi Talha, lorsqu'il s'est présenté à elle pour se marier, car elle la connaissait déjà auparavant. Qalat wallahi ma mithlak ya Abu Talha yurad. Elle dit par Allah, une personne comme toi, on ne peut la refuser. Qalat ولكنك رجل كافر وانا امراه مسلمه ولا يحل لي ان اتزوجك فان تسلم فذاك مهري وما اسالك غيره فاسلم. Donc il lui a dit, cependant tu es un mécréant, tu es un homme mécréant, et moi je suis une femme musulmane et qui n'est pas, il ne m'est pas permis de me marier avec toi, mais si jamais tu te soumets, tu rentres en islam, alors cela sera mon mahr, yani ma dot. Et je ne te demande rien d'autre. Et de là, il s'est soumis à Allah Azzawajal. Est-ce qu'on va dire que Umm Sulaym n'a pas fait preuve de sagesse? Alors qu'à un moment, c'est même pas une darwa à l'islam, c'est un mariage. C'est-à-dire que cet homme-là va être son mari, son époux, le père de ses enfants par la suite. Elle lui a dit, un tarajul kafir. Kadhalika, parmi les choses qu'on peut citer, ce hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, an Aisha, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam allait partir pour une razwa. Ja'a rajulun, un homme s'est présenté à lui, des gens qu'il connaissait parmi les mushrikin. Fa lamma adrakahu qala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam jittu liyatba'ak wa usiba ma'ak. Fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam atu'minu billahi wa rasulihi? Qala la. Qala farji' fa lan asta'ina bi mushrik. Cet homme s'est rendu auprès de lui. Il lui a dit, je veux te suivre, c'est-à-dire pour aller combattre avec toi, et avoir une part du butin. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu crois en Allah et son jour dernier? Oh, est-ce que tu crois en Allah et son messager? Il a dit non. Il a dit, repars, car je ne recherche pas d'aide, c'est-à-dire je ne prends pas le soutien d'un mushrik, d'un associateur. Ça revient à dire kafir. Il lui a dit clairement. Et là, c'est même pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui l'a appelé, c'est lui qui venait vers lui. C'est lui qui venait vers lui. Cet homme est revenu. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le dit la même chose. Irji' fala asta'in bi mushrik. C'est-à-dire, je ne combats pas en prenant de l'aide d'un mushrik. Il est revenu une fois de plus. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a redemandé, est-ce que tu crois en Allah et à son messager? Il a dit na'am. Il a dit fantaliak. Il lui a dit oui, j'y crois. Donc après, il est parti avec lui. Donc, est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on va dire qu'il n'a pas fait preuve de sagesse dans cette da'awa? Donc là, c'est un problème. Wa qala ta'ala, wa in ahadun min mushrikin istajaraka, fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah, thumma ablighu ma'mana, dhalika bainahum qawmun la ya'lamun. Dans le sens où il dit, dans Sourate Tawbah, et s'il a des mushrikin te demandent refuge, alors abrite-le, afin qu'il entende la parole d'Allah. Afin qu'il entende la parole d'Allah. Dans la parole d'Allah, qu'est-ce qu'il y a dans le Coran? Allah, ils appellent comment dans le Coran? Kuffar, mushrikun, anjas. Et il les blâme, il les réprimande. Et les gens qui auraient demandé refuge au prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque, c'est des gens qui parlent arabe. Donc le Nabi, Allah azawajal lui a dit, afin qu'il entende la parole d'Allah. Donc, comment joindre entre ce que prétend Othman à la litlaq et ses adillah, qui est son wadiha? Également, il y a l'histoire de Abu Bakr, qui était encore à Mecca, c'est-à-dire avant même qu'il de la force pour les muslimines, qui avait fait une cour dans sa maison dans laquelle il faisait la salat. Et il disait à haute voix. Et même qu'il pleurait. Il ne pouvait se retenir de pleurer. Les gens de Quraysh ont eu peur. Car les enfants et les femmes se réunissaient autour de lui et l'entendaient. Et ils entendaient le Coran. Donc ils lui ont dit à Abu Bakr. Ils lui ont dit de se faire discret. Car ils craignent. D'accord? Ils craignent que par sa lecture du Coran, que les gens l'entendent, surtout les faibles parmi eux, ils ne soient influencés par cela. Donc ils vont entendre le kalam de qui? Le kalam d'Allah, azawajal, dans lequel ils sont décrits comme étant des mushrikin et des kuffars. Et Abu Bakr radhiyallahu anhu levait sa voix et pleurait en récitant le Coran. De plus, sujet que l'on répète fréquemment, parmi, comme cela concerne d'ailleurs ce Othman, les conditions pour rester en pays de mécréance Et principalement ceux qui se disent prédicateurs de Aqil Allah Azza wa Jal. Wa izhar ad-din, c'est le fait de faire apparaître la religion. C'est le fait de faire apparaître la religion. Et faire apparaître la religion, comme l'ont expliqué plusieurs de les ulama, ce n'est pas seulement le fait d'accomplir les cinq piliers. Ça va bien plus loin que cela. Faqala al-Sheikh Ishaq ibn Abdul Ahmad ibn Hassan, rahimahullah ta'ala, fi qawli Allah Azza wa Jal, قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Dans le verset d'Allah, dans le sens où Allah dit, et vous avez certes un bon exemple dans Ibrahim et ceux qui étaient avec lui lorsqu'ils ont dit à leur peuple, nous sommes innocents de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Et nous mécroyons en vous, et nous est, la luminosité est apparue entre nous et vous, ainsi que la haine, jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Al-Mumtahina, verset 4, l'éprouvé. Dans le Coran, Allah dit bien, vous avez certes un bon exemple dans ce comportement que Ibrahim il a eu avec son peuple, qui était des koufars. Car Ibrahim, alayhi salam, à un temps, n'était le seul croyant sur terre, lui ainsi que sa femme. Et pourtant, il était wadih. Et il disait à son père, Ya Abati, la tarbodi shaitan. Il disait à son père, oh père, mon cher père, n'adore pas shaitan. Al-Muhim, donc ce savant, il dit, en expliquant cette parole-là, فَأَنْظُرْ إِلَى هَذَا الْبَيَنَ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ بَيَنْ حَيْثُ قَالَ وَبَدَى بَيْنَنَا أي ظَهْرَ هَذَا وَإِظْهَرِ الدِّينِ فَلَبُدْ مِنَ التَّصْرِيحِ بِالْعَدَاوَةِ وَتَكْفِيرِهِمْ جِهَارًا أو جَهَارًا. Il dit, regarde, cet éclaircissement d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa parole, dans le sens où il dit, et entre nous a débuté, a commencé, c'est-à-dire la haine et l'animosité. C'est-à-dire cela, c'est une chose qui doit être apparente. Et c'est cela le fait de faire apparaître la religion, il explique. Il dit bien, donc il est obligatoire de déclarer ouvertement cette animosité et de les rendre mécréants. Wa takfirihim jiharan. Et le dire clairement, ouvertement. Donc, Abou Laïs me dit, ne lui dis pas que t'es un mécréant. Dis-lui juste que tu es un serviteur d'Allah. C'est-à-dire, lui, cette parole-là, elle est vraie, il veut dire par là, le Ubudiyya, l'Amma. Kazalik, anana kalam nahwa zalika, on a une autre parole, de Ahmed al-Atiq, rahimahullah ta'ala, dans son livre, Sabil al-Najah, qala, wal maqsoud minhu, ana rajul, la yakoun, mudhiran dinihi, hatta yatabarra min ahli al-kufr, alladhi huwa bayna azharihim. ويصرح لهم بأنهم كفار وأنه عدو لهم فإن لم يحصل ذلك لم يكن إظهار الدين حاصلا. Donc il dit quoi également dans son livre qui touche à ce sujet-là, qui est le Wara al-Bara, la lance de deux aveux, et dans la da'wa avec les kuffar, il dit que la personne ne sera pas de ceux, le muslim, qui extorisent leur religion tant qu'il ne sera pas désavoué des kuffar et qu'il leur dira clairement qu'ils sont des mécréants et qu'il est leur ennemi. Et tant que cela n'a pas eu lieu, il ne sera pas de ceux qui auront extorisé leur religion. Et de là, justement, des ulama disent, dans ces conditions-là, tu ne peux pas rester dans ce pays-là. Tu ne peux pas rester dans ce pays-là. Maintenant, comme l'a dit lui-même le frère dans son audio, ça ne veut pas dire qu'on les agresse et qu'on les offense et qu'on ne leur rend pas leur droit. Non. Cela selon les lois d'Allah Azza wa Jal. Donc maintenant, la question qui se pose, ou les choses qu'on voit, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bien évidemment, dans d'autres hadiths, il a appelé les koufars, il leur a pas dit « Amtoum koufar ». Nous, on n'est pas en train de dire que lorsque tu l'appelles, tu le dis directement, obligatoirement. Tout comme on ne dit pas qu'il ne faut pas lui dire. C'est ça le problème avec ce frère, c'est que la fentloc. On te dit « Tu as le droit de lui dire ». Tout comme on te dit « Si tu ne le dis pas, cela ne t'est pas imposé ». Mais ne l'interdis pas aux autres. Et « Hada bi hasb al-hal », ça dépend des situations également. Des situations, il faut le dire, et d'autres... Cela est à éviter quand on voit la maslaha que la personne, son cœur, on espère de lui qu'il accepte. Donc, on ne le dit pas forcément. Il y a plusieurs circonstances. Mais lui, c'est ça le problème, c'est qu'il a fait une cloque. Il a dit, il ne faut pas le dire, car cela n'est pas de la sagesse. C'est pour ça qu'on dit, parle avec science ou garde le silence. Allah, il ne t'a pas kallaf de rentrer dans des choses que tu ne maîtrises pas. Allah ne nous a pas kallaf. Ben nous a interdit de parler sans science. Et pour revenir justement à ce verset qui est « Qul ya ayyuhal kafirun », dans le tafsir d'Ibn Kathir, il dit bien « Shamila kulla kafirin ala wajhil ard » ولكن المواجهين بهذا الخطاب هم كفار قريش. Il dit que ce verset-là concerne tous mes créants sur la terre. C'est-à-dire que tu lui parles, tu lui dis les choses clairement. Cependant, le verset-là est descendu pour une raison particulière, qui étaient les gens de Quraysh. Car le Shir cite qu'ils sont rendus au prophète, il a été dit, après pour voir si le hadith est authentique ou pas, l'histoire, c'est que des gens de Quraysh sont venus voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, nous adorons ta divinité une année, et toi, tu adores la nôtre une année, ainsi de suite. D'accord? Donc là, il s'est dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur dire قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ الْآيَاتِ. Là, c'est du verset. Il doit dire clairement. Mais on connaît la règle qui est que لَيْسَ فِي خُصُوصِ السَّبَبِ يَعْنِ السَّبَبِ النُّزُولِ لَكِنْ يَعْمُمِ الْأَلْفَاظِ. Que l'on ne prend pas, cette règle qu'on le répète souvent, que l'on ne prend pas en compte les versets pour la cause pour laquelle ils sont descendus et pour les termes généraux qu'ils englobent. Et là, le verset قُلْ, c'est un verbe impératif qui veut dire dit. يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, c'est un idée, c'est un appel. Au koufar, oh vous les koufars, vous les mécréants. Donc on leur dit bien, on ne dit pas que tu es obligé de le dire, tout comme on dit bien, on peut t'empêcher de le dire également. Après, c'est à personne d'aviser à ce moment-là comment se comporter. Mais quoi qu'il en soit, d'accord, comme lui-même en pendant l'audio, les alfos shal'iyya, lorsqu'on les appelle les koufars, on a un dalil dans ce qu'on dit. Et pour dire, oh toi serviteur d'Allah, que tu n'es pas encore soumis, pour dire qu'il faut dire cela, donne-nous un dalil. Pour donner cette parole de façon impérative. On veut un dalil. Sans quoi, la alaka tatroul fi man yaftali Allah. Wa qala l'imam al-Albani rahimahu ta'ala. Un rappel pour les gens justement qui souvent ont tendance à faire des ishihad de leur tête, de parler avec leurs émotions, leurs sentiments lorsqu'ils s'expriment auprès des gens. Qala l'imam al-Albani rahimahu ta'ala, lesna mukallafina an nahdiya kulub al-nas ila al-haq allazi nad'u al-nas ilayhi. Nous n'avons pas été chargés de guider les cœurs des gens vers la vérité par l'appel que nous leur faisons. Ce qui nous a été imposé à nous, c'est de les appeler, c'est tout. Après, l'hidayah, elle est minallah azawajal. Et quand on a compris cela, on s'évite bien, justement, des prétentions et bien des règles. On se dit, comme a dit ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Que tu ne guides pas qui tu aimes, c'est Allah qui guide qui veut. Donc toi, innama alikal balagh, tu retransmets seulement. Comme cela est venu dans les textes. D'accord? Comme cela est venu dans les textes. Comme l'a dit Ibn Jarir, la hikmah, c'est de prendre ce qui est venu dans le kitab et dans la sunnah. Et là, on va finir par une parole qu'a dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahou ta'ala par rapport justement à cette façon de se comporter. Paul. فرب قاعدة لو علم أو لو علم صاحبها ما تفضي إليه لم يقولها. Il a dit, il y a certaines règles. Lorsque celui qui la prononce prendrait conscience de ce à quoi elle amène, tout ce qui en résulte par la suite, comme méfait ou autre, il ne l'aurait jamais dite. Il est certain que ce Abu Layth, s'il réfléchit à ce qu'il dit là par rapport à Adil la cité, sa phrase, il la reformulerait d'une autre façon. Maintenant, personne n'est marsoum. Les erreurs, ça arrive à tout le monde. Ça arrive des fois, on part dans un ders, on énonce une parole, d'accord, qui en réalité s'oppose à des textes sur lesquels on n'a pas médité. L'ihaza, l'insan yatara, j'ai yasma al sawam. Mais après, il prend leçon. Et il ne s'avance pas de ce qu'il ne maîtrise pas, ce qu'il ne connaît pas. Hada alladhi aradna, fi hada al maqam, wa subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.